Vous êtes blues. Vous êtes rock. Vous êtes blues rock. Alors rendez-vous tous les jeudis de 18h30 à 20h sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Telling You avec Marie et Francis. Vous aurez du blues. Vous aurez du rock. Vous aurez du blues rock. My pretty baby, she's the way I dream. Pretty little thing you ever did see. My baby knows how to dress so neat. Stop the traffic on the street. My pretty baby, she's so fine. Brought our sight to the blind. Found my baby 3 years ago. She gave me the key to her door. Hey, hey, RQC, Telling You. Bonsoir, c'est Francis aux manettes, comme tous les jeudis soirs. Et Francis, au micro. Bah oui, Marie a dû s'absenter et puis voilà, j'ai pas voulu vous laisser les oreilles comme ça au repos pendant une semaine. Alors je vous ai préparé une petite émission que j'ai intitulée « Ces chers disparus ». Je vous en dis plus dans une minute. My paper bought me a diamond ring. Big Dave, now you're my loving man. Found my baby 3 years ago. She gave me the key to her door. Found my baby down New Orleans. Pretty little thing on the TV screen. Eh oui, comme je vous le disais, ce soir, on va s'intéresser à ces chers disparus. Mais bon, je vous dis, il ne s'agit pas de faire une rubrique nécrologique, mais un retour dans le temps, un survol des œuvres laissées par des musiciens qui ont baigné plus ou moins profondément dans la musique blues, du blues au sens large, hein. Large comme la longueur d'une corde de guitare. Et en fouillant dans l'armoire, souvenir discographique de Telling You, j'ai rassemblé une pile de disparus. Enfin, une pile de disques de musiciens disparus. Mais la pile était trop haute pour une seule émission de Telling You. Alors en voici une sélection qui va commencer en 1970. Et ensuite, on va se rapprocher de nos années 2000. Je vais commencer par un musicien que beaucoup aiment, moi aussi, virtuose dans son genre, à la fin tragique et brutale en 1970, dans sa 28e année. C'est Jimi Hendrix, qui par son approche expérimentale, on peut dire qu'il a tué littéralement la guitare traditionnelle pour en faire un instrument révolutionnaire du rock, voire du hard rock. Mais le blues de ses origines n'a jamais quitté, en fait, comme sur ce Red House de sa composition et qui a été gravé en 1966. Jimi Hendrix, Red House. Thank you. Red House de Jimi Hendrix, ça commence très bien. Allez, et bien ensuite, l'autre cher disparu, lui aussi, c'est un virtuose, à la fin tragique et brutale, à 36 ans, dans un accident d'hélicoptère, au retour d'un concert en 1990. C'est monsieur Stevie Ray Vaughan. Ça aussi, c'est une référence du blues rock hein, des années 80 et il y a marqué un bon nombre de guitaristes en herbe là, qui se sont essayés et qui ont essayé de recopier ou en tout cas de reproduire ce que faisait Stevie Ray. Et c'était une référence par son jeu de guitare et son jeu de scène aussi. Le premier album de Stevie Ray Vaughan avec son groupe Double Trouble sort en 1983. Bon, je vais vous en sortir un petit échantillon. Là, voilà, ça s'appelle Pride and Joy en version live. Monsieur Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan qui nous jouait Pride and Joy depuis son Texas natal. Alors, suivant, encore un héros voilà, qui a fini tragiquement, c'est Monsieur Rory Gallagher, un Irlandais. Mais c'était un pur, un vrai du blues, du rock, comme Telling You, quoi, du blues rock. Authentique Rory Gallagher, à l'image de son éternelle chemise à carreaux. Mais l'alcool a eu sa peau en 1995, après des années d'excès. Et en 87, Rory Gallagher faisait paraître le 10e album studio qui s'appelle toujours d'ailleurs Defender. Alors c'est un album sur lequel on trouve son trio favori, c'est Monsieur Brendan O'Neill à la batterie et Monsieur Jerry McAvoy à la basse. Jerry McAvoy qui d'ailleurs perpétue encore aujourd'hui la musique de Rory Gallagher avec son Band of Friends. Alors Defender, le 10e album donc de Rory, sera réédité en 2000 avec des titres bonus, dont ce Seems to Me que je vous propose d'écouter tout de suite Rory Gallagher. We'll be right back. Rory Gallagher, c'est un troisième style, hein, après Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Rory Gallagher, on était dans le blues, bien bluesy, quoi, bien profond, et trois styles différents. Et alors après la guitare, on passe à l'harmonica, un monsieur qui lui est né en Virginie, chanteur harmoniciste, monsieur Lester Butler. Il a fait de nombreuses apparitions instrumentales pour d'autres musiciens dans la planète blues. Hein. Il laisse deux enregistrements sous son nom, dont un avec le groupe qui lui apportera la notoriété, c'est The Red Devils, les Diables Rouges. Mais voilà, c'était pas des footballeurs ceux-là, The Red Devils, les Diables Rouges. Mais le diable qui l'a emporté, là, Lester Butler, qui l'a emporté en 1998 à 38 ans, encore une fois, hein, c'est pas vieux du tout, hein. Le diable qui l'a emporté n'était pas rouge, mais plutôt blanc, comme l'héroïne et la coke, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà Lester Butler dans une version live de She's Automatic. Lester Butler à l'harmonica, c'est pour vous. Sing around now. When my neck's slick now. C'était l'harmonica de Lester Butler, qui nous a quittés, comme on dit, en 1998. Et voilà, maintenant on passe dans les années 2000, avec un monsieur Bill Perry. Bill Perry, bon, c'est pas connu du grand public, je dirais, mais c'était quand même un artiste qui jouait très bien le blues. Il est né dans l'État de New York, et surtout élevé par ses grands-parents. Il avait sa grand-mère qui jouait le gospel à l'église, et un grand-père aussi qui était féru de blues et de rhythm and blues. Alors Bill Perry s'est collé très tôt à la guitare, pour devenir une figure qui a compté sur la scène blues new-yorkaise. Il sera produit pour quelques albums par M. Papa Chubby, qui lui aussi compte sur la scène blues new-yorkaise. Mais voilà, Bill Perry, son cœur l'a lâché en 2007, il avait 50 ans. Et ben, je vous propose un titre extrait de son ultime et dernier album, sorti en 2006. Et sur cet album, ben voilà, il était inspiré, comme Alain Bashung ou comme Chris Rea, Bill Perry, il était inspiré par une certaine Joséphine. Mais qui est Joséphine ? Écoutez Bill Perry. Hello, Joséphine. Hello, Josephine. How do you do? Do you remember me, baby? Yeah. Like I remember you. Used to walk you home, baby. Right home from school. Hello, Josephine. Do you remember me? I remember you, baby, yeah. No, I do. Used to walk you home, baby. You're crying, woo. Like I remember you. RQC sur le net. C'est le www.rqc.be. Voilà, on quitte New York et Bill Perry et sa Joséphine pour passer au Canada, à Toronto plus exactement, où est né M. Jeff Haley, un chanteur-guitariste qui avait développé suite à son handicap, parce qu'il avait perdu la vue, donc il avait développé une technique guitaristique bien à lui, avec l'instrument posé sur le genou, un peu comme une pédale style guitare. Et le Jeff Haley Band vendra quand même des millions de disques dans les années 80. Jeff Haley, ouais, ouais, on l'a un peu oublié, mais c'était quelqu'un dans le domaine du blues. Et ben voilà, la maladie qui, enfant, l'avait rendu aveugle aura raison de lui en 2008. Il avait 41 ans. Alors, des enregistrements inédits jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, sont édités en 2016. Et sur donc cet album posthume qui s'appelle Heal My Soul, on trouve un titre que je vous propose ce soir, Love in Her Eyes, les eyes que Jeff Haley n'avait plus. Jeff Haley. Yeah. Jeff Haley, je vous le conseille, je vous le concède plutôt, on s'éloigne peut-être un peu du blues, mais c'était quand même bien, hein. Il avait une bonne patte à la guitare. Alors voilà, on va passer maintenant à, encore une fois, un jeune, une étoile montante, mais une étoile filante, voilà, qui est disparu brutalement, un guitariste, chanteur, monsieur Sean Costello. Lui, il est issu de la côte est des États-Unis, en Pennsylvanie. Bon, c'est pas très loin non plus de l'État de New York. Et Sean Costello, voilà, il est retrouvé mort un soir, la veille de ses 29 ans, retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Peut-être un cocktail mortel, comme ça arrive souvent. Son talent, par contre, il avait été très tôt reconnu. Il avait conduit à accompagner sur scène quelques aînés comme B.B. King ou Buddy Guy. Il avait lui aussi une bonne patte à la guitare. Et alors, Sean Costello nous laisse quand même 5 albums sous son nom, dont ce We Can Get Together, sorti en 2008, juste après sa disparition. Et donc de cet album de 2008, je vous offre Feel Like and Got Home, monsieur Sean Costello. I got to get somewhere, my feet are tired of traveling. My body aches and I feel my mind unwrapped. I got to lay my body down so I can rest my mind. You know I feel like I ain't got a home sometimes. I'm way up north, the leaves already turning. It's flooding down. Sean Costello qui se sentait, comme on dit maintenant, sans abri. Feel like hand got home, comme s'il n'avait pas de maison. Et ensuite, on retourne en Irlande. Irlande, une autre figure du blues rock irlandais, Monsieur Gary Moore. Gary Moore, hein, qui a touché quand même le grand public, hein, mais bon, avec des slow blues, la guitare larmoyante et dégoulinante, que je ne vous passerai pas ce soir. Bon, les succès populaires sont pas toujours les meilleurs, mais enfin, ça c'est mon avis. Et bien voilà, monsieur Gary Moore, il tire sa révérence en 2011. Hein, 2011, ouais, il avait 59 ans. C'est lors d'une tournée en Espagne, je crois me souvenir, qui est là, qu'il a cédé la place. Par contre, en 2001, Gary Moore disait « J'en ai assez du blues, mais le blues n'en a pas assez de moi. » Enfin, c'est ce qui l'a motivé pour accoucher de l'album « Back to the Blues » en 2001. Et sur cet album, on trouve une « Cold Black Night » de Gary Moore. « Cold Black Night » Somebody, please let it be me. Je reviens, petite erreur de manette, c'est pas Gary Moore qu'on entendait, mais le voici, Gary Moore, Cold Black Night. It was a cold black night, and the world was a falling down. It was a cold black night, the world was falling down. It was a cold black night, the night that my baby left town. It was the darkest day, and the wind was howling through. It was the darkest day, and the wind came howling through. It was the darkest day, and my baby said we're through. Come back, baby, never did you no wrong. Come back, baby, I never did you no wrong. I've been sleeping in the ground ever since you've been gone. It was a cold black night, and the world was falling down. It was a cold black night, and the world was falling down. It was a cold black night, the night my baby left town. never left me. Ouf, ça c'était le blues péchu de Gary Moore et sa Cold Black Night avec le vent qui souffle. Alors ensuite, ben voilà, on va retourner aux États-Unis, cette fois dans le berceau du blues, dans le Mississippi, d'où est issu Monsieur Magic Slim. Magic Slim, de son vrai nom, attendez, Maurice, je crois que c'est Maurice Holt. Oui, Maurice. Mais Magic Slim, voilà, un guitariste aussi, bon, une figure, un pilier du blues actuel. Bon, il était plus Slim depuis longtemps, hein, mais il était resté Magic quand même, ce gaillard. Jusqu'en 2013, ouais, année où il coupe définitivement sa guitare, Magic Slim. Il avait quoi ? Il avait, attendez, bah, il avait 76 ans quand même. Bon, j'ai un point commun avec Magic Slim, moi, tiens. non, c'est pas le jeu de guitare, mais c'est la naissance. Il était né un 7 août, comme moi. Alors, les débuts dans la musique de Magic Slim furent plutôt laborieux avec son frère Nick et leur groupe de Teardrops. Mais bon, ils jouent inlassablement partout, c'est possible, dans tous les petits bars, les Duke Jones, comme on dit. Et puis, ils s'installent peu à peu dans le blues et pour en finir justement dans le Hall of Fame des bluesmans. Alors, Magic Slim, en 2010, sortait Raising the Bar. Avec ce qu'il savait jouer de mieux, en fait. Un blues, je dirais, allez, mi-Mississippi, mi-Chicago, quoi. Rugueux, sans chichi. Donc, extrait de ce Raising Bar, voici Shame, Monsieur Magic Slim. Down Broadway, chilled in my hand. another man. Shame, yeah. Walking down Broadway. Shame. I ain't got no shoes on. Shame. Baby, don't love me no more. Voilà, honte, shame, c'était Monsieur Magic Slim. Ensuite, ben une dame quand même. Ça fait déjà combien, 5 ou 6 messieurs que je vous passe. Une grande dame qui s'était fait un peu oublier, oui c'est vrai, on n'y pensait plus, à Etta James. Pourtant c'est une grande dame, une des plus belles voix du blues et de la musique noire américaine, pas du blues forcément, parce que Etta James, c'est une Californienne et elle a su passer du blues à la soul, du rhythm and blues au rock avec une aisance et une réussite quand même à noter, quoi, Etta James. Oui. Alors, en 98, elle avait 60 ans quand même, sortait Life, Love and the Blues. Un beau programme, la vie, l'amour et le blues, voilà. Terriblement moderne et groovy, je trouve, vous allez l'entendre d'ailleurs, parce que c'est de là que je vais vous sortir un petit extrait. Mais voilà, c'est en 2015 que la voix d'Etta James va s'éteindre définitivement. Etta James, elle avait 73 ans. Et je vous la ranime grâce à ce Born Under a Bad Sign, donc extrait de cet album de 98, Madame Etta James. To crawl. If it wasn't for bad love, I wouldn't have no love at all. Bad luck and trouble is my only friend. I've been down ever since I was 10. On under bad sign. Been down begin to crawl. If it wasn't for bad love, I wouldn't have no luck at all. I can't read, can hardly write. My whole life has been one big fight. Born under bad sign. Been down begin to crawl. If it was for bad love, I wouldn't have no luck at all. And that ain't no lie. All I crave, a big swayback man, gonna carry me to my grave. Born under bad sign. Been down since I learned to crawl. If it wasn't for bad love, I wouldn't have no luck at all. C'était une voix quand même, hein, ça en imposait, sans fioriture, mais elle en imposait. Etta James, Born Under Bad Sign. Ensuite, alors on retourne à un chanteur guitariste, Monsieur Eric Davis, plus précisément Eric Guitar Davis. Sans doute que Eric Davis est assez courant là-bas aux États-Unis, donc pour se différencier. C'était Eric Guitar Davis. Il était le fils de Bobby Davis, un batteur très demandé sur le circuit blues de Chicago. Et donc Eric a suivi les traces musicales de son papa, mais à la guitare et au chant. Par contre, lui, il diffuse un tonique funky blues avec son groupe de Troublemaker. Et voilà, et manque de bol, c'est le truc con, un accident. Il est pris dans une fusillade dans un quartier de Chicago. Et il est flingué comme ça, à 41 ans, en 2013. Mais en 2007, donc Eric Guitar Davis avait produit Here Comes Trouble, où il chantait ne pas vouloir risquer la douleur. Et pourtant, la douleur l'a rattrapé. I can't change the pain, Eric Davis. Got my mojo working. You wanna see it? Here you go. The bad moon rising on a hot dog summer night. Your eyes are flashing from the beam of disco light. Your whole body's burning, giving more heat than a fireplace. But I can tell that you're looking for some loving, 'cause it's written all over your face. But there's something I'm gonna tell you. Harry Guitar Davis, I Can't Change the Pain. Et ensuite, voilà, si je vous dis, son teint pâle et sa longue chevelure d'albinos faisaient sensation dès son apparition. C'est qui ? C'est Johnny Winter. Eh oui, c'était l'âme du blues qui se cachait derrière la fureur du rock'n'roll, hein, Johnny Winter. Mais bon, il a quand même tenu jusqu'à la fin. Hein. Ses dernières apparitions étaient même plutôt pathétiques, hein, usées par la vie de rocker. Assis sur une chaise, je l'ai vu deux fois, là, comme ça, à Cahors, et puis une fois au Duvel Blues, je crois, en Belgique. Oui, c'est ça. Assis sur une chaise, et puis il était soutenu par une rythmique puissante, mais il y avait que ses mains quoi, qui s'animaient sur la guitare. Il a joué comme ça jusqu'à sa fin. En 2014, il avait 70 ans, Johnny Winter. Mais en 1977, là, il était en pleine gloire. Johnny Winter chantait TV Mama, à la manière d'un one-man band. Johnny Winter, TV Mama. Turn my TV on. You know I say get off box people, but I believe my tube is wrong. Well, my baby, she was crying, want me to get my TV fixed. Oh, she was crying, want to get my TV fixed. She needed mighty quick, right away now. Well, I called the TV doctor. He came over right away. He said to see what he could do. He had to haul my TV away. I told him no. That well, I'll never do. Man, if you don't get the picture, I'm gonna do some work on you. Voilà, c'était la démonstration de Johnny Winter à la Metal Body Acoustic Guitar, TV Mama. Ensuite, si je vous dis cette fois Blues Boy King, ben c'est monsieur B.B. King. Il restera le bluesman moderne éternel qui, lui aussi, en a inspiré plus d'un. Hein, et avec qui tous les grands rockers voulaient jouer sur scène avec... Bah, qu'est-ce qu'il y a eu, U2, Eric Clapton et d'autres, à mon avis. Je ne les ai pas tous en tête. Mais M. B.B. King, il a mené quand même une carrière qu'il a poussé jusqu'au ciel étoilé, au firmament étoilé du blues. Et lui, il a surpris personne par une mort absurde et brutale. Il est mort à 90 ans, en 2015, dans son sommeil. Voilà. Monsieur B.B. King, dans Three O'Clock Blues. Three O'Clock Blues, bah oui, 3 heures du mat, quand on dort pas, on a le blues. Monsieur B.B. King, Three O'Clock Blues. Now here it is, 3 o'clock in the morning, and I can't even close my eyes. It's 3 o'clock in the morning, baby. Oh, I can't even close my eyes. Voilà, c'était B.B. King et son blues de 3 heures du mat. Alors ensuite, si je vous parle de Pennsylvanie encore, c'est que... Attendez, voilà. Je récupère l'album de Monsieur Smoking Joe Kubek. Oui, Smoking Joe Kubek qui nous a quittés en... attendez, ça fait pas longtemps en plus, en 2015. Alors lui, il était né en Pennsylvanie. Mais très très tôt, il a migré au Texas avec ses parents. Et puis c'est là qu'il a empoigné sa première guitare. Et puis bon, il s'est incrusté dans le blues avec un style old school blues texan. Ce sera sa couleur musicale. Et dès 14 ans, il est sur scène. Il accompagne tous ceux qui passent par Dallas et qui ont besoin d'un guitariste. Donc à la fin des années 80, Smokin' Joe Kubek rencontre la Louisiane, le Texas rencontre la Louisiane en la personne de Monsieur Bnoyce King. Tiens, encore un King qui fait du blues. Bnoyce King. L'union fait la force et la recette est bonne, mais une vingtaine d'albums au compteur quand même. Et le duo fonctionnera à merveille, donc je vous le disais, jusqu'à l'arrêt cardiaque en 2015 de Monsieur Smokin' Joe Kubek. Alors en 2013, les deux larrons enregistré l'album Road Dogs Life, sur lequel on trouve Big Money Sonny. Alors Big Money Sonny, je vais vous le passer là tout de suite. Monsieur Smokin' Joe Kubek a accompagné, donc et au chant, Monsieur Bnoyce King. Smokin' Joe, lui, est à la guitare. Big Sonny from Paducah, Texas, had all kind of money in the trunk of his car. Cause he didn't trust no bank, you know the IRS. They would have got him, don't you think? Well, the man was a gambler. They'd never see their dad, and that would be a shame. The wife didn't really care, cause she got what she desired. She had her own thing going, young men on the side. Sonny was no dummy, he didn't really care. Just as long as she let him gamble, when he got home some food was there. C'était la voix de Smoking, non, la voix de Noise King, mais la guitare de Smoking Joe Quebec. Ensuite, bon, je vais en faire bondir plus d'un, parce que voilà, le suivant s'appelle Lemmy Kilmister. Kilmister, comment ça, Kilmister? Oui, c'est cet anglais chanteur, bassiste, parolier, membre fondateur et permanent de Motorhead. Motorhead, eh oui. Bon, chacun ses petites faiblesses. Oui, Lemmy Kilmister. Mais c'est à 70 ans, en 2015, qu'il a coupé définitivement les amplis de Motorhead. C'est vrai que son attitude, sa voix brutalement heavy rock, laissait de temps en temps une petite place au blues, comme sur ce Last Woman Blues en 2014, tiré de l'album Aftershock, 31e album du groupe. Excusez du peu. Hein. Eh oui, ça c'est du blues où on l'attend pas. Hein. Lemmy Kilmister, Last Woman Blues. Ça commence très bluesy, ça se termine très boogie. Yeah. Le Lost Woman Blues de Lemmy Kilmister et Motorhead. Bon, on va passer à quelque chose de plus doux. Allez, une dame, Candy Kane, mais c'est quand même une white trash woman qui chante un blues de bar peuplé de marginaux. Alors, Candy Kane exprime dans ses textes la souffrance, l'enthousiasme mêlé. C'est une Californienne, Candy Kane. Et ben voilà, elle est partie aussi emportée par la maladie en 2011. On l'avait vu peu de temps avant d'ailleurs à la boîte à musique Waterloo. On peut dire que jusqu'au bout, elle a franchi les obstacles en chantant. La voici Candy Kane, la White Trash Girl en 2005. Candy Kane. I'm a white trash girl from the wrong out of town. I live alone in a trailer. Don't put me down. I'm as happy as can be, but I can't tell a lie. I'm a white trash girl. I need a low down guy. You don't have to have a lot of money. You don't have to have a job that pays. Just a 12 make me smile all day. I'm a white trash girl. That suits me fine. I don't ride where I come from. My daddy's doing time. I like cheese in a can and boxes of wine. I'm a white trash girl. I need a low down. Trash girl. Voilà, c'était la White Trash Girl de Candy Kane. Et puis, ben, je me suis laissé prendre par le temps, j'en avais encore. J'avais M. Lonnie Brooks qui piétinait, M. Greg Allman qui piétinait aussi. Et voilà, nous voilà arrivés au bout de ma sélection dans la pile de disparus sortis de l'armoire de Telenew. Bon, il y aura d'autres émissions alors avec les restes. Avec les disparus, il y a toujours des restes. Alors bien sûr, on ne verra plus en concert cette belle brochette de disparus, alors allez jeter un coup d'œil dans pickablues.fr à la rubrique reportage, et vous pourrez retrouver quelques-uns de ces disparus comme Eric Davis en 2013 au Devil Blues Festival, Candy Kane, je vous disais, en 2015 à la boîte à musique, Smoking Joe Quebec, je l'avais photographié en 2013 au Spring Blues Festival, et Johnny Winter en 2014 au Duvel Blues Festival. Voilà, bon, je vais vous laisser avec Yost et son Back to the Roots. Bye bye, à la semaine prochaine. Besoin d'infos? Envie de retrouver un titre diffusé? Découvrir nos playlists?